Mucho. Dis-moi, ils vont faire comment? Si c'est moi qui prends les commandes. Ma chérie, passe ta commande. Ma carte est bresson, elle est comme moi. Rien à dire devant la police. Ici, la cour des grands, pas de novice. Mon ami, faut m'écouter. C'est pas pour un shooting si je te dis qu'on va te shooter. Allez, grand monsieur, rentre dans la pièce là, ouais. On déboule à la nique sa mère. Bloc point de table, on est trop là, ouais. Comme sur moi, j'coûte trop cher sa mère. Oh là là, j'sais même pas j'ai combien sur moi. J'compte les bouteilles, elle compte sur moi. En 5 minutes, j'claque le salaire d'un mois. Ah, oh là là, j'sais même pas j'ai combien sur moi. J'compte les bouteilles, elle compte sur moi. En 5 minutes, j'claque le salaire d'un mois. Là, j'fais la mala. Mala, mala, mala, yeah. Là je fais la mala, mala, mala, mala, yeah. Dans la misère moi j'étais. Aujourd'hui tu peux me voir dans AMGT, yeah. Seuls les vrais nous reconnaissent. Dans tous les banks passant par garde je les connaisse, yeah. C'est mon blaze qu'elle a cité. Oh là ils ont mis la pénombre, je l'ai quitté, yeah. Mon garçon dis-moi quitter. Si je suis avec mon équipe, oui j'avoue faut s'inquiéter, yeah. Allez, grand monsieur rentre dans la pièce là, ouais. On déboule à la nique sa mère. Bloque-moi de table, on est trop là, ouais. Comme sur moi, j'coûte trop cher sa mère. Oh là là, j'sais même pas j'ai combien sur moi. J'compte les bouteilles, elle compte sur moi. En 5 minutes, j'claque le salaire d'un mois. Ah, oh là là, j'sais même pas j'ai combien sur moi. J'compte les bouteilles, elle compte sur moi. En 5 minutes, j'claque le salaire d'un mois. Là, j'fais la mala, mala, mala, mala, yeah. Là, j'fais la mala. Mala, mala, mala, yeah.